Les découvertes musicales de Fadjet. Outed nous propose des titres en français éclectiques et décalés sur une musique pop avec une dose d'insolence, d'humour et d'autodérision. Le groupe se compose de Noémie au chant et clavier et de Fred, chant et guitare. Premier single d'un album prévu en mars 2023, voici À l'envers de Outed. On devrait vivre sa vie à l'envers, mourir tout doucement, sans souffrir. Allongé seul et nourri par les artères, démonté par la vie, ou bien pire. Vivre fou en fauteuil roulant, libéré pour bonne santé. Travailler alors quelque temps, s'arrêter pour profiter. À l'envers, on devrait vivre sa vie à l'envers. Alors de bar en bar, de cœur en cœur, à 100% concentré de bonheur, et les yeux dans les yeux, à la récré, courir sans jamais se retourner. En fier indien ou en princesse, agent secret bien déguisé, tout cet amour, cette tendresse, pour préparer l'apogée. À l'envers, on devrait vivre sa vie à l'envers. À l'envers, on devrait vivre sa vie à l'envers. Nos corps nus attirés vers la lumière, bercé par un chant familier, pour un premier voyage en solitaire, avec champagne à l'arrivée. On devrait vivre à l'envers, passer son temps à rajeunir, le plus souvent à ne rien faire, juste à prendre du plaisir. À l'envers, on devrait vivre sa vie à l'envers. À l'envers, on devrait vivre sa vie à l'envers. C'était À l'envers du duo français Outed dans les découvertes musicales de Fadjet.